Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 9 décembre 2016. Voici les grands titres de cette édition. L'ancien président tanzanien a déclaré ce matin que les personnes impliquées dans le coup d'État et dans la violence ne sont pas concernées par le dialogue inter-burundais. Au cours d'une conférence de presse sanctionnant la fin de sa visite au Burundi, Benjamin Mkapa a également affirmé que les personnes qui ne reconnaissent pas la légitimité du président Pierre Nkurunziza sont fous. Ce n'est pas moi qui le dis. Et le parti Parina trouve que le facilitateur ne rassure pas pour avoir déclaré qu'il remettra le tablier au président Museveni s'il ne parvient pas à réunir tous les protagonistes. Dans ce journal également, le directeur général de la Socimo avoue son incapacité à freiner l'exportation du sucre vers l'étranger et c'est par la dévaluation de la monnaie burundaise qu'il explique le fait que le sucre coûte cher ici puisque les grossistes préfèrent vendre dans d'autres pays qui achètent en devise. Sinon, la quantité produite ne cesse d'augmenter chaque année, nous dira Donatien Nidjumel. Rebonjour. Les personnes qui ne sont impliquées dans le coup d'État et dans la violence ne sont pas concernées par le dialogue inter-burundais. C'est la déclaration du médiateur dans le conflit burundais au terme de sa visite de 3 jours au Burundi. Benjamin Mkapa a indiqué que son rôle est de réunir autour de la table des négociations les parties qui n'ont pas trempé dans la violence. Suivez Benjamin Mkapa, il est traduit par Joseph Sabiyabandi. It is clear that people who have been indicted or charged with the attempted coup, this is not the time to talk to them. My priority. C'est clair que les personnes qui sont impliquées ou poursuivies pour la tentative de coup d'État, c'est pas le moment de leur parler. Ma priorité, ce n'est pas d'amener l'opposition armée autour d'une table de dialogue. Je ne sais pas combien et où ils sont. Je ne les connais pas. Ma priorité est de faire en sorte que l'opposition non violente puisse s'asseoir avec le gouvernement. Et je crois qu'il y a déjà une porte qui s'est ouverte. C'est quelque chose qui va être clarifié dans 2 semaines. Nous nous sommes convenus sur les acteurs qui pourront nous proposer quelque chose qui pourra recueillir un consensus ou un compromis. Et à propos de la légitimité du pouvoir du président Pierre Nkurunziza, mis en cause par l'opposition radicale, le médiateur Benjamin Mkapa estime que ceux qui mettent en doute la légitimité du président ont perdu la tête, expliquant que ce n'est pas à l'opposition de déterminer la légitimité du président, mais que ce pouvoir revient au peuple burundais. Et pour le parti Parena, le médiateur est entre l'espoir et le désespoir pour avoir déclaré qu'il remettra le tablier au président Museveni s'il échoue à réunir tous les protagonistes. Et comme le médiateur a dit que la paix règne dans le pays, pour Zenon Nimubona, c'est la meilleure occasion pour dialoguer. À ce que j'ai entendu dire de sa part, il dit que la paix règne au Burundi, le gouvernement est légal, il ne va pas son rôle. Mais à un autre niveau, il a dit que s'il ne parvenait pas à organiser une session en janvier, il va se confier aux mandataires, c'est-à-dire les chefs d'État de la région, pour déclarer qu'il a été incapable de mener la médiation. Donc lui-même, il est entre l'espoir et le désespoir. C'est ça la situation que l'on a observée. Mais, mon avis, quand il y a la paix, c'est le moment opportun pour mener le dialogue politique. C'était Zenon Nimubona hier, au terme de sa rencontre avec le médiateur Mkapa. Et l'Église catholique souhaite que toutes les parties prenantes à la crise burundaise soient invitées pour le dialogue. Au sortir de la rencontre entre le facilitateur Benjamin Mkapa avec les confessions religieuses de ce jeudi, Mgr Simon Namwana a indiqué que seul un dialogue franc pourrait permettre un retour à la situation normale. Suivez-le. Pour nous, la voie qui peut conduire à la paix, c'est le dialogue, l'échange qui n'exclut personne, même si on n'y est pas encore arrivé. Même ceux qui sont à l'étranger sont des Burundais. Un jour, ils pourraient nous dire que nous leur avons écarté. Je pense que même si quelqu'un aurait commis n'importe quelle faute, il mérite d'être entendu, fautif soit-il. Je pense qu'il en est même en politique. Ceux qui ne s'entendent pas doivent se parler. Nous tous, ainsi que l'Église catholique, devons nous mobiliser pour que notre pays recouvre la stabilité. Simon Ntamwana et les évêques catholiques du Burundi qui s'étaient réunis cette semaine à Ngozi pour échanger sur la vie de leurs diocèses respectives lors d'une célébration œcuménique ce vendredi matin à la cathédrale Cœur Immaculé de Ngozi, où l'évêque du diocèse de Bujumbura a déclaré qu'il était conscient que les acteurs clés de la vie burundaise parviendront à un consensus en ce moment de la présence du facilitateur Mokapa au Burundi. Les détails avec notre correspondant Apollinaire Muzagara. La messe de ce vendredi matin à la cathédrale d'Ngozi a vu la participation de presque tous les évêques catholiques du Burundi. Le seul absent est de l'archidiocèse de Gitega, Simon Ntamwana. Gervais Vanchimiusa, évêque du diocèse d'Ngozi, a indiqué aux chrétiens présents que Monseigneur Simon Ntamwana a été délégué pour les représenter dans les consultations faites ces jours au facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mukapa, quitte à les rejoindre après ce vendredi même pour la clôture de cette rencontre des évêques qui vient de durer 5 jours. Au terme de son homélie, Monseigneur Evariste Ngoya-Goye a annoncé l'objectif principal de cette rencontre en Gaule. C'était, d'après lui, d'échanger sur la vie des différents diocèses catholiques du Burundi. Il s'agissait d'abord de discuter du nouveau programme de cours des 4 grands séminaires catholiques que compte le Burundi pour qu'ils s'adaptent aux autres séminaires catholiques du monde, et cela pour former des prêtres aptes à accomplir leur mission. Il s'agissait aussi d'échanger sur la vie économique de ces grands séminaires en ce moment où l'économie burundaise est en difficulté, a-t-il souligné. L'évêque diocèse de Bujumbura, Evariste Ngoya-Goye, a également invité tous les acteurs de la vie burundaise à arriver à un consensus à ce moment de la présence au Burundi du facilitateur afin de ne pas regretter dans l'avenir. Les évêques ont eu l'occasion de souhaiter aux chrétiens la bonne fête de Noël et à tous les Burundais, fête du nouvel an 2017 qui s'annonce. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Plus de 2 mois sans notification de nouveaux cas de choléra, le ministre de la Santé publique a déclaré la fin de cette épidémie dans un communiqué publié ce vendredi matin. Josiane Nijimbere, ministre de la Santé, appelle la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène pour ne pas attraper cette maladie. Suivez-la. Les premiers cas étaient enregistrés dans les collines entourant le chef-lieu de la commune Kabezi de la province sanitaire de Bujumbura. Malheureusement, l'épidémie s'est vite étendue à mairie de Bujumbura dans le district sanitaire nord et sud, mais également le district sanitaire centre de la capitale, dans les communes de Bugarama et Rumonge de la province de Rumonge et dans la commune Nyanzalat de la province sanitaire de Makamba. Durant la période de plus de 3 mois qu'a duré l'épidémie, les cas cumulés de maladies s'élèvent à 364 cas, dont 2 décès. Maintenant que nous venons de passer plus d'un mois sans notification de nouveaux cas, nous pouvons déclarer la fin de cette épidémie. Mais attention, aujourd'hui que la situation de l'épidémie est maîtrisée, nous ne pouvons pas crier victoire. Nous saisissons cette occasion pour demander à tous nos partenaires gouvernementaux intervenant en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement de s'investir davantage dans la prévention de l'épidémie du choléra. À la communauté, nous lui demandons d'observer en tout temps et en tout lieu les mesures d'hygiène individuelle et collective pour ne pas attraper la maladie. Ces mesures sont, entre autres, se laver les mains au savon avant de manger ou avant de faire manger l'enfant, se laver les mains au savon après avoir été aux toilettes, manger les aliments bien cuits et chauds, bien couvrir les aliments, boire de l'eau potable ou à défaut, boire de l'eau préalablement bouillie. C'était la ministre en charge de la santé et de la lutte contre le sida, Josiane Nijimbere. Je vous l'avais dit, la quantité de sucre produite par la Sosumo ne cesse d'accroître selon le directeur général de cette société sucrière du Mosso, alors que ces denrées sont devenues très rares ces derniers jours sur tout le territoire national. Donatien Nijimbere explique que c'est la dévaluation de la monnaie burundaise qui pousse les vendeurs de sucre à l'exporter frauduleusement Il écarte toute idée de protectionnisme de ce produit, avouant que c'est une mission très difficile, mais que les services habilités doivent tout faire pour protéger le sucre. Suivez le directeur général de la Sosumo de Nassien Nijimbele, joint au téléphone par Evariste Nzikobayanga. Il n'y a pas de pénurie. Au contraire, la production ne cesse d'augmenter. Ici, puisque si on compare la courbe de la production, nous sommes partis de 21 000 tonnes et demi en 2014 à 23 100 en 2015. Maintenant, nous allons à 23 000 en 2016, donc la courbe est plutôt croissante. Mais vous voyez que ces derniers temps, la question en rapport avec la flambée du prix du sucre, chaque fois dès que nous arrivons à cette période, commence à être à la une. C'est pas dû au fait de la chute de la production, mais c'est plutôt dû au fait de la dépréciation du franc par rapport aux devises. Si on considère le prix pratiqué au niveau des pays de la sous-région, au niveau de l'EAC notamment, y compris le Congo, ça varie entre 1,2 dollars. Ça représente déjà autour de plus de 3 000 francs le kilo. C'est-à-dire que c'est le principe des phases communiques. Hein. Le sucre nous échappe malgré la vigilance de la police et de l'administration. Comment parvenir à mettre en application la politique de protectionnisme au moins à 90%? La politique de protectionnisme est impossible, elle est même mauvaise. Mais plutôt, le protectionnisme est prohibé par le fait que nous sommes dans la communauté de l'EAC. Ce serait de se dire que les Burundais pourront obtenir du sucre qui coûte la moitié du prix à l'extérieur. Si c'est 1,2 $, c'est 1,2 $ du prix des provinces voisines. Et certains consommateurs du sucre, vu ce qui se passe aujourd'hui, croient que vous allez revoir à la hausse le prix du kilo du sucre. Est-ce que cela est vrai? Il faut qu'on quitte cette logique de dire que l'État fixe est intervenu. Mais que dit le marché? Ça devrait être ça la question. Pourquoi est-ce que la question du prix du sucre occupe toujours la une? Est-ce que c'est le produit le plus stratégique au niveau du pays? Plus que tous les produits, plus que tout, même les aliments de base. Mais c'est parce qu'il y a la fixation sur la loi de l'offre et de la demande. Même le haricot, même le riz. Si on commençait à fixer le prix de façon rigide, il y aurait beaucoup de perturbations, beaucoup de distorsions au niveau de la fixation de prix et de la disponibilité du produit. Rappelez-vous de ce que était le pain lorsque c'était encore réglementé. Il y avait toujours des difficultés pour obtenir européen. Mais du moment que l'État a essayé de relâcher, l'européen maintenant est disponible et ne fait pas beaucoup de bruit. Donatien Nijimbele, c'est le directeur général de la Sosumo. Vous venez de l'entendre de sa bouche. Les prix augmentent. La population de la province de Karoussi s'inquiète de la montée vertigineuse des prix et la rareté des denrées alimentaires de première nécessité. À l'antenne provinciale de l'Institut des statistiques économiques du Burundi, Stéboul, on confirme cette situation où les prix se sont révélés exponentiels durant les trois derniers mois. La direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage explique cela en disant que c'est la conséquence de la faible production de la saison culturelle passée. Les détails avec notre correspondant Blaise Pascal Kararoumié. Aux différents marchés de la province Karoussi, les prix des denrées alimentaires de la première nécessité, comme le haricot, le maïs, le manioc, le riz et d'autres, sont inquiétants et d'autres ne sont même plus trouvables. Les haricots s'achètent actuellement pour la première fois, indiquent les commerçants sur place, entre 1400 francs et 1500 francs, le haricot simple, alors que le haricot jaune s'achète à 2000 francs par kilo. C'est aussi la première fois que la farine de manioc s'achète actuellement plus de 1000 francs par kilogramme, alors qu'il était à 600 francs par kilo d'habitude dans la même période. Le maïs n'est plus trouvable sur le marché et une fois trouvé sur certains marchés, le maïs est à 1500 francs par kilogramme et sa farine est à 2000 francs par kilo. En régime de bananes ou bien en panier de patates douces qui sont vendus entre 1500 francs et 2000 francs au mois d'août, actuellement ils sont vendus à 5000 à 6000 francs. Les agents de l'ISTEBU, bureau provincial qui sont chargés de la collecte des prix des denrées alimentaires à chaque marché nous ont indiqué que les prix ont exponentiellement monté depuis le mois de septembre. Les consommateurs et les commerçants disent qu'ils ne voient pas comment ils vont parvenir à vivre du moment que le revenu n'a pas monté et pour d'autres, les revenus continuent à s'amenuiser suite au manque de travail, disent ces derniers. À la DPAE Karoussi, on confirme qu'il y a eu insuffisance de production et demande à la population de faire de petits champs de légumes qui durent moins de temps pour récolter. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Et parlant justement de la corruption, l'Observatoire de lutte contre les marginalisations économiques, Colicom, dans un communiqué sorti ce 9 décembre, journée mondiale de la lutte contre la corruption, cette organisation regrette que cette journée soit célébrée au moment où le pays est plongé dans une crise socio-politico-économique sans précédent depuis avril 2015. Selon toujours l'Olicom, la corruption ne fait que ralentir considérablement le développement économique du pays. À travers ce communiqué, Gabriel Ruffieri demande au gouvernement burundais de prendre des mesures drastiques à l'endroit de tous ceux qui se rendent coupables des actes de corruption sans distinction, aux partenaires de donner une place de choix parmi les points à discuter, au dialogue inter-burundais externe, l'aspect économique et la gouvernance, aux burundais de se méfier des détourneurs des deniers public. Et sur cette hausse des prix des produits plus nécessités, le Conseil national de sécurité recommande au ministère du Commerce de procéder urgentement à la régulation des prix. Dans un communiqué sorti ce mercredi, le secrétaire permanent de ce conseil, Silas Niguligwa, appelle ce ministère à collaborer avec le bureau burundais de normalisation BBN pour renforcer les mesures de contrôle de qualité des produits importés. Suivez Silas Niguligwa, c'est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité déplore la hausse des prix des produits de première nécessité, en commençant par les denrées alimentaires, suite à des spéculations des commerçants en vue de créer des pénuries artificielles de ces produits. Le Conseil recommande au ministère ayant le commerce dans ses attributions de procéder urgentement à la régulation des prix sur le marché et sanctionner les récalcitrants conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la sécurité alimentaire, le Conseil national de sécurité invite le ministère du Commerce à travers le Bureau burundais de normalisation, de renforcer les mesures de contrôle qualité des produits importés, notamment les produits vivriers, pour mieux protéger la population. Le Conseil national de sécurité apprécie positivement la campagne de lutte contre la corruption et la fraude, ainsi que la sensibilisation de la population au paiement des taxes et impôts qui a été menée par le gouvernement et qui commence à produire des résultats. Le Conseil encourage la continuité de cette campagne à tous les échelons afin d'accroître sensiblement les recettes de l'État. C'était le secrétaire permanent au Conseil national de sécurité, les 13h14 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro? La régie des eaux affirme ne pas être responsable des incendies qui se sont déclarés deux jours de suite en plein centre de la capitale Bujumbura. Le directeur de l'électricité l'explique par le fait que leurs appareils sont restés intacts. Wilson Tangishaka estime que par ailleurs, avant que les gens n'accusent la régie des eaux d'être responsable, ils devraient attendre les résultats des enquêtes. Son directeur a indiqué que ce n'est pas pour couvrir sa maison, tout en disant qu'une fois que les enquêtes démontrent que la régie des eaux est responsable, elle indemnise celui qui a subi les dommages. Suivez Wilson Tangishaka, c'est le directeur de l'électricité à la régie des eaux, au micro de Francine Dirokugayo. C'est tout à fait normal d'accuser directement la régie des eaux. Lorsque tu as un problème, bien sûr, bon, on cherche un bouc émissaire. Le premier bouc émissaire, c'est la régie des eaux. Mais c'est très dommage de pouvoir accuser quelqu'un sans avoir fait les démarches nécessaires et possibles, parce qu'ils n'ont aucune expertise pour pouvoir directement accuser l'un ou l'autre. Alors, revenons maintenant à la situation. Nos installations se trouvent toujours intactes. Ce qui s'est passé, c'est après. Alors, dit que c'est la régie des eaux, on ne sait pas. Est-ce que c'est la régie des eaux ou c'est causé par autre chose? Qui peut le confirmer? Ce ne sont que les enquêtes. Si c'est la régie des eaux, bien sûr, ça commencerait à brûler les installations de la régie des eaux. Mais si un court-circuit vient de l'intérieur, est-ce que vraiment c'est la régie des eaux? Non, c'est pas les installations intérieures. S'agissant de kiosques de chaussée prince de Guadassolé, c'est la même chose. Nos installations sont toujours intactes. Est-ce que vraiment on peut directement juger ou accuser la régie des eaux? Oui, attendre les résultats de l'enquête, mais qu'est-ce que vous avez constaté en tant que technicien? Nous avons fait un constat, mais nous ne faisons pas des enquêtes. Le constat, les installations de la régie des eaux sont intactes, les câbles sont intacts, nos compteurs sont intacts, on peut être touché. La situation est venue de l'intérieur et pas de l'extérieur. On entend souvent la régie des eaux mettre de côté les accusations de la population. Est-ce que ce n'est pas moyen de ne pas reconnaître la responsabilité de la régie des eaux? Nous avons beaucoup de cas que nous payons où nous reconnaissons les responsabilités. Alors si vous voulez avoir vraiment la liste, vous pouvez voir le conseil juridique. Mais je peux vous dire qu'il y a des moments où nous avons fait des installations qui ne sont pas convenables, bon, ou bien quelque chose qui sort de règle, on le voit. Et là, nous constatons, et dès que nous le constatons, nous indemnisons la personne. La plupart des maisons, là, il y a toujours des cadeaux d'incendie, c'est toujours le même problème. Si vous y allez, vous trouvez qu'ils ont utilisé du matériel qui ne répond pas aux normes d'installation. C'était Wilson Tanguishaka, c'est le directeur de l'électricité à la régie des eaux, la régie de distribution d'eau et d'électricité. Il était au micro de Francine Niokugayo. Une nouvelle brève et nous nous rendons à Kobero pour un reportage. Un élu collinaire de Buringa, commune Guianga de la province Bubanza, est détenu au cachot de la police judiciaire de Guianga depuis ce mercredi. Karikurubu Celestin est accusé d'avoir appelé les journalistes et de leur avoir livré des informations à propos de 80 vaches qui étaient détenues dans la réserve naturelle de la Rukoko lundi et mardi de cette semaine. Il est également accusé d'avoir outragé les institutions administratives, mais rejette en bloc toutes ces accusations et parle d'un pur montage. La police ne dit rien à propos, sauf qu'il est détenu pour des raisons d'enquête. Karikurubu Celestin est le deuxième emprisonné sur cette même colline de Buringa, dans un délai d'un mois seulement, avec comme accusation la même, avoir donné des informations aux journalistes. À la source, reportage. Les commerçants qui passent à la douane de Kobero à la frontière burundo-tanzanienne disent être satisfaits dans leur commerce puisque les bureaux de l'OBR sont alimentés en électricité. Par contre, les habitants du centre de Kobero ainsi que les hommes d'affaires se lamentent pour n'avoir pas été alimentés à leur tour. L'administrateur de la commune Butihinda en Provence Muyinga tranquillise ses habitants, disant qu'il y a déjà un projet d'extension d'électricité dans ce centre. Alain Désiré Bukeyeneza a été à Muyinga. Nous sommes à la douane de Kobero, à la frontière burundo-tanzanienne. C'est dans la commune Butihinda de la province Muyinga. Il est midi, passé de quelques minutes. Les camions transportant les marchandises arrivent de temps en temps. Les commerçants disent être satisfaits des échanges qui deviennent de plus en plus rapides. La raison, les bureaux de l'OBR sur ce centre de Kobero sont pour le moment alimentés en électricité. Pour le moment, il y a une amélioration. Toute question a été résolue avec l'électricité, puisqu'auparavant nous étions contraints d'attendre à cause du manque de connexion. Maintenant, la connexion est disponible toujours grâce à l'électricité. Cet autre commerçant de la provenance tanzanienne vivant aux alentours de Kobero se réjouit du travail de l'OBR qui désormais peut continuer au-delà de 18 heures. Vers 18 heures, les bureaux de l'OBR étaient fermés. Mais pour le moment, le service à l'OBR continue jusque même à 20 heures. Avant l'alimentation en électricité, au-delà de 18 heures, les camions pouvaient entrer mais ne pouvant pas pour le moment sortir. Le service est pour le moment rapide, mais cela dépend des employés de l'OBR qui sont présents au service. Tout près du centre de Kobero, des maisons modernes font état d'une petite ville. Les habitants disent être étonnés de l'extension en électricité qui n'a pas été étendue à leur localité. Ils lancent un cri à la régie des eaux, étonnés de se retrouver comme s'ils n'avaient pas de représentants pouvant plaider à leur faveur. Bon nombre de gens se lamentent puisqu'il n'y a pas d'électricité alors qu'ils en ont besoin. Paraît-il que nous n'avons pas de représentants pour plaider à notre faveur. Je demande que notre centre soit alimenté en électricité pour accéder au développement. Pendant la nuit, le centre est dans l'obscurité, sauf les bureaux de l'OBR qui sont alimentés. Le centre de Kobero regorge au moins 7 hôtels, des stations ainsi que des banques non alimentées en électricité. Cet homme d'affaires dit travailler à perte dans son motel puisque le carburant et l'eau lui coûtent près de 2,5 millions par mois. Pour lui, c'est aussi l'État qui perd puisque les impôts à percevoir diminuent. Puisque nous travaillons tantôt pour notre développement, tantôt pour le développement du pays, le mieux serait de nous donner l'électricité. Nous travaillons à perte. Parfois même, on est tenté d'abandonner, mais on continue à travailler tant bien que mal. Ce qui est étonnant, nous encaissons une perte, mais l'État aussi perd à son tour, puisque nos impôts alimentent le budget de l'État. L'administrateur de la commune Butihinda tranquillise ses habitants. Innocent Halingaji dit que le projet d'extension d'électricité dans son centre est en cours et demande au gouvernement d'y mettre plus d'efforts. Comme plaidoyer, c'est de demander à la régie des eaux, à l'État, pour que le projet d'extension de l'électricité au niveau du centre de Kobero puisse avancer et se faire le plus tôt possible parce que la population a besoin de l'électricité pour se développer étant donné que si vous regardez par exemple à Kobero il y a beaucoup de terres. L'administrateur de la commune Butihinda ajoute qu'il y a même un projet d'alimenter en électricité le chef-lieu de la commune à Kamaramagambo. Voilà, c'était le reportage d'Alain Désiré Wokeyeneza de retour de Muyinga et c'est par là que nous bouclons ce journal en vous rappelant que l'ancien président tanzanien a déclaré ce matin que les personnes impliquées dans le coup d'État et dans la violence ne sont pas concernées par le dialogue inter-burundais. Au cours d'une conférence de presse sanctionnant la fin de sa visite au Burundi, Benjamin Mkapa a également affirmé que les personnes qui ne reconnaissent pas la légitimité du président Pierre Nkurunziza ont perdu la tête. Et le parti Parina trouve que le facilitateur ne rassure pas pour avoir déclaré qu'il remettra le tablier au président Museveni s'il ne parvient pas à réunir tous les protagonistes. Et vous l'avez suivi, le directeur général de l'Associumo avoue son incapacité à freiner l'exportation du sucre vers l'étranger. Et c'est par la dévaluation de la monnaie burundaise qu'il explique que le fait que le sucre coûte cher ici, puisque les grossistes préfèrent vendre dans d'autres pays qui achètent en devise. Sinon, la quantité produite ne cesse d'augmenter chaque année. Vous avez suivi Donatien Nijimbele. Il est 13h23 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Mise en onde par Séraphine Hakizimana. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Bon après-midi.